Bonjour, bonjour. Merci de vous réveiller avec France Culture. Et ce réveil sera chinois, puisque depuis lundi, en compagnie de notre tête chercheuse, le sinologue Renaud de Spence, on parle des artistes chinois d'aujourd'hui dans un instant. Le quatrième épisode, et puis en deuxième partie, je recevrai l'écrivain ou l'écrivaine Vénus Ratakuri. Et pour commencer, notre tête chercheuse de la semaine, Renaud de Spence, est avec nous. Bonjour. Bonjour Toufik. Pour le troisième épisode de notre série « La culture pop n'existe pas en Chine » et aujourd'hui on va parler de cinéma. Et dans votre dictionnaire impertinent de la Chine, édité par Books, vous dites que les cinéphiles sont cinophiles. Oui, c'est un petit jeu de mots, mais c'est vrai, le cinéma chinois a extrêmement bonne presse chez nous, notamment grâce aux somptueux films qu'on a pu découvrir à partir des années 90, Chang Yimou par exemple, Épouse et concubine et tout ça. Alors, est-ce que, par exemple, Zhang Yimou, est-ce qu'il a une véritable assise populaire en Chine? L'histoire de la popularité de Chang Yimou est extrêmement intéressante parce que quand c'était extrêmement populaire chez nous, dans les années 90, et quand j'en parlais à mes amis chinois, ils me disaient « C'est un film pour étrangers, ça. Nous, on ne regarde pas ça. » Il n'était pas populaire à l'époque. Maintenant, il est immensément populaire en Chine. Mais parce qu'il a été reconnu en Occident ? Et primé par quelques grands festivals internationaux. Il y a eu un peu de ça. Hein. Il y a eu un peu de ça. Les Chinois en ont été fiers. Mais c'est pas seulement ça. C'est que ces premiers. Et d'ailleurs, bon, c'est peut-être un jugement de valeur, mais je trouve que ces premiers films, ces films des années 90, sont beaucoup plus beaux que ceux qu'on voit aujourd'hui. Et il posait vraiment des grandes questions à l'époque. Et après, son succès a fait qu'il a été récupéré par le régime, hein, puisque vous savez par exemple que c'est lui qui a fait la cérémonie d'inauguration des Jeux Olympiques de Pékin. Et aujourd'hui, Chang Yimou, même si ça reste un grand artiste, hein, c'est quand même un artiste d'État. Donc, il est aujourd'hui extrêmement connu, populaire, oui, alors en plus il a eu quelques histoires de... Bon, il était par exemple comme Gong Li, la fameuse Gong Li, qu'on a tous admiré en Occident. Ouais. Ils ont tous été nommés par exemple députés à l'Assemblée Nationale Populaire. Et c'est une manière de les récupérer, une manière d'être sûr de les avoir sur leur coupe. Pourquoi le parti leur a proposé ces postes politiques? À partir de la fin des années 90, ça a été la nouvelle stratégie du parti. C'est-à-dire, ça reste un parti d'élite. Hein, donc on peut pas, par exemple, acheter une carte de membre du parti si on veut. Hein. En revanche, à partir des années 90, ils ont récupéré tout le monde, c'est-à-dire à la fois les entrepreneurs qui faisaient de l'argent et les grandes vedettes. Bon, alors on va laisser de côté les grands metteurs en scène de Hong Kong comme Wong Kar-wai, en espérant que je prononce bien, ou même les Taïwanais comme Wu... Hou Xiaoxian. Et j'ai envie de vous poser comme question, Renaud de Spence, est-ce qu'il y a un cinéma populaire de genre en Chine? Est-ce qu'il y a des films qu'on ne voit jamais ici en Occident, ni au Festival de Cannes, ni ailleurs, et qui ont un certain succès ou une réalité économique en Chine? Il y en a eu. Il y en a eu. Il y en a un peu moins maintenant. Bon, il faut savoir quand même que l'immense majorité des films chinois n'est pas vue en Occident. Donc il y a une industrie du cinéma en Chine. Une grosse industrie du cinéma. Quand vous dites une grosse, c'est quoi? C'est combien de films par an, par exemple, en moyenne? On est dans les 200, 300? Ah oui. D'accord. Oui. Oui. Et alors, qu'est-ce qu'on ne voit pas en Chine et que les Chinois apprécient de voir au cinéma? Ces dernières années, vous avez eu quelques objets cinématographiques très très bons qu'on n'a pas vus chez nous parce que ça ne correspondait pas trop aux critères. Le problème, c'est que chez nous, depuis qu'on a en gros trouver les canons du cinéma chinois traditionnel et aussi des circuits de distribution. Donc dès que ça s'écarte soit de, on va dire, l'esthétique, l'esthétisme de Zhang Yimou et des autres, ou de l'aspect un petit peu dérangeant de Tia Changke ou documentaire, à ce moment-là, ils trouvent pas leur voix. Et par exemple, au milieu des années 2000, on a eu un vrai succès populaire, inattendu, puisque c'était un film à petit budget, d'un jeune réalisateur qui s'appelle Ning Hao, donc N-I-N-G-H-A-O, et qui a fait un film avec très peu de moyens, dont le titre était Pierre en folie, hein, Crazy Stone. Je crois qu'on le doit trouver en DVD sous le nom anglais Crazy Stone. Et vous précisez dans votre dictionnaire qu'il a eu 23 millions d'entrées. 23 millions d'entrées pour, je me souviens plus quel était le budget, mais un budget relativement ridicule avec des acteurs pas connu. Mais c'était au milieu des années 2000. Aujourd'hui, depuis quelques années, on n'a plus ce genre de phénomène, malheureusement, pour un certain nombre de raisons. L'industrie du cinéma chinois est moins créative qu'avant et ses circuits de distribution posent problème. Parce qu'auparavant, on avait de plus en plus de salles de cinéma chinois en Chine. Mais la distribution maintenant est vraiment focalisée sur les grosses têtes d'affiche, y compris donc certaines dans licence importée, les Transformers, etc. Les blockbusters. Les gros blockbusters. Et depuis ces dernières années, ont du mal à émerger d'autres films comme ce film Crazy Stone de Ning Hao, qui était époustouflant et qui commençait, enfin, je sais pas si on peut trouver une illustration sonore dessus, mais la première scène du film, par exemple, complètement révolutionnaire dans les canons de narration de l'histoire, c'est une scène de toucher rectal du héros. Donc, vous comprenez que le héros est complètement, c'est un anti-héros dès le départ. Et c'est un film extrêmement drôle. Ça parle de quoi ? C'est un film drôle ? C'est une comédie ? C'est une comédie. C'est une comédie sur une sorte d'ex-flic un peu raté, un peu malade, un peu hypochondriaque, et qui est embauché par une société de gardiennage privé. Un truc tout à fait minable. Ça pourrait ressembler à des thèmes des frères Cohen, mais c'est traité avec énormément de brio, avec des acteurs extrêmement drôles et qui démolissent tous les clichés, c'est-à-dire qu'on a évidemment le gros mafieux tatoué. Alors, le gros mafieux tatoué, on a l'habitude dans les films de Hong Kong qu'il soit extrêmement dangereux. Et là, je vous raconte pas le film, mais le gros méchant tatoué passe le trois quarts du film enfermé dans un tuyau d'égout. Et donc tous les codes sont retournés. Ouais. C'est très frais, c'est très amusant. Et malheureusement, ça, on n'a pas eu de sortie en salle en France, alors que ça aurait changé un petit peu l'image qu'on a du cinéma alors, chinois. Alors, ce succès de ce film, est-ce qu'il a permis à son auteur, et je vous laisse reprononcer son nom, est-ce que ça lui a permis d'avoir une carrière, de faire d'autres films? Oui, ça lui a permis d'avoir une carrière, y compris pour les acteurs inconnus à l'époque qui ont fait le film. Oui, tout à fait. Il y a des studios de cinéma en Chine, bien sûr. Et ces studios sont étatiques. Et vous nous disiez en début de semaine, Renaud de Spence, qu'il y a aussi des sociétés de production de cinéma privées. Oui, la production maintenant, vous avez à la fois, par exemple, des provinces chinoises qui vont produire, qui vont donner beaucoup d'argent pour faire des films. Hein, et vous avez aussi des millionnaires, des milliardaires, des manias de l'immobilier qui dont le rêve est de monter les marches à Cannes. Et vous en rencontrez pratiquement toutes les semaines à Pékin. Les gens, il y a un nombre incalculable de personnes qui veulent faire des films en ce moment en Chine, soit en tant que producteur. Alors réalisateur, il y en a un petit peu moins. Quand même, c'est pas évident de. Et pourtant, je suppose qu'il y a une école de cinéma en Chine et est-ce qu'il y a des studios étatiques encore? Il y a des studios étatiques, bien entendu. Vous avez des studios étatiques en province aussi. Oui, vous avez toute une industrie culturelle d'État. Est-ce qu'il y a beaucoup de place pour le cinéma autre que chinois et hollywoodien en Chine? Alors, la Chine fonctionne sous un système de quotas. Donc, c'est pas un système libre. Il y a un certain nombre de films étrangers par an qui peuvent être montrés sur les écrans chinois. Donc, il y a toujours des négociations assez difficiles pour savoir quel film va sortir. C'est aussi une des raisons pour laquelle il y a de plus en plus de coproductions, comme le dernier film de Jean-Jacques Hano, Le Totem du Loup, ou celui de Philippe Muil, Le Promeneur d'Oiseaux. Hein, c'est des coproductions franco-chinoises, donc ça ne tombait pas dans les quotas étrangers. Et ça pouvait donc être diffusé librement en Chine. Autrement, vous avez donc un certain nombre, je ne me souviens plus combien il y en a eu l'année dernière, je ne sais pas, une trentaine, quelque chose comme ça, peut-être un peu plus. Et films étrangers. De films étrangers. Américains inclus. Américains inclus. Et évidemment, malheureusement, ce sont surtout des blockbusters qui sortent. Et puis enfin, pour terminer, le Festival de Pékin, le Festival du cinéma de Pékin, puisqu'on a appris que Marco Müller, le grand directeur de festival qui est passé de Venise à Locarno et de Locarno à Rome, vient d'être recruté par les autorités chinoises pour diriger ce Festival du cinéma à Pékin. Est-ce qu'il a une importance, Renaud de Spence ? Oui, tout à fait. Déjà parce qu'il permet aux professionnels de se rencontrer. Il y en a beaucoup et ils y vont tous. Hein. Donc c'est quand même c'est un festival intéressant pour ça. Et puis même si aujourd'hui la création est un peu en veilleuse, vous avez quand même énormément d'artistes, de producteurs, de réalisateurs. Donc oui, tout à fait. Et vous avez des œuvres. Et c'est ça aussi la caractéristique du système chinois. C'est pour ça que je dis que c'est difficile d'avoir une culture populaire en Chine populaire. Vous avez aussi des cinéastes, comme Tia Jianke, hein, qui, c'est un paradoxe, hein, ils font des films avec de l'argent chinois, en Chine, avec des autorisations de tournage, hein, bien entendu, mais qui ne peuvent pas être diffusés en Chine, qui ne seront jamais diffusés en Chine. Et donc, vous avez aussi une production qui est destinée à l'étranger. Et c'est pour ça que le cinéma... Elle est réfléchie et pensée comme ça, comme une production à l'usage de l'étranger, pour la bonne image de la Chine à l'étranger ? Ou pas forcément pour la bonne image, même pour des raisons purement économiques. C'est un petit peu comme le modèle de l'usine du monde. Vous avez plein de jouets ou de composants pour ordinateurs qui, par exemple, sont produits en Chine, mais qui sont difficilement accessibles en Chine. Et puis enfin, pour terminer, vous dites, Renaud de Spence, qu'il y a des salles de cinéma, bien sûr, en Chine, mais que la distribution des films dans ce pays se fait surtout, en très grande majorité, en DVD pirate. Oui. Que fait la police ? La police, en général, est complice et prend un pourcentage dessus. La plupart des magasins de DVD pirates sont à côté de commissariats. Mais c'est un coup dur pour l'industrie locale, non ? Oui, évidemment. Et... Moi, je connais plusieurs cinéastes et ils sont toujours extrêmement stressés au moment de la sortie du film. Parce que vous imaginez, si votre copie pirate se retrouve le même jour que la sortie en salle, c'est catastrophique. Si ça se retrouve une semaine, deux semaines après, vous limitez un petit peu les dégâts. Et pour, par exemple, la sortie du Promeneur d'oiseaux de Philippe Muil, ils avaient fait très attention, ils avaient donné aucune copie pratiquement auparavant. Et finalement, ils ont vu qu'est-ce qui est sorti, c'est une copie qu'ils avaient donnée en Corée. La culture pop n'existe pas en Chine avec Renaud de Spence, sinologue qui vit à Pékin depuis 10 ans et qui est l'auteur du dictionnaire impertinent de la Chine édité par Books. On se retrouve demain pour le dernier épisode. À demain. À demain, Tafik. Un autre jour est possible. Par Toufik Hakem. Tous les matins sur France Culture. Et maintenant, l'invité culturel. Bonjour Vénus Khourigata. Bonjour. Je vais le prononcer à la libanaise, votre nom cette fois-ci, Vénus Khourigata. La femme qui ne savait pas garder les hommes, c'est le titre de votre dernier roman, paru au Mercure de France, et le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est un texte intimiste. Ça parle de vous, et contrairement à ce qu'on pourrait croire en écoutant ce titre, La femme qui ne savait pas garder les hommes, ce n'est pas le portrait d'une mante religieuse, mais plutôt le portrait d'une femme qui va avoir un drôle de destin avec les hommes qu'elle va rencontrer, puisqu'ils vont disparaître les uns après les autres, et disparaître n'est pas le mot juste, puisqu'ils vont continuer à exister à travers leurs fantômes, leurs odeurs, leur place dans les appartements occupés, bref, à travers d'autres vibrations, et c'est un hommage à ces hommes que ce livre, que ce texte très court et très corrosif, Vénus. Il a fallu que j'écrive ce livre pour me sortir d'une grosse dépression. J'avais l'impression qu'il y avait une malédiction qui pesait sur moi. Chaque fois que j'ai voulu être heureuse par un homme, par l'amour, je divorçais ou il mourait. J'ai été veuve de deux hommes. J'ai été divorcée d'un premier homme. Les trois premiers enfants du premier ont été élevés par le second. Le second meurt en me laissant une fillette qui a été élevée par le troisième. C'est une femme qui essaye chaque fois de rafistoler sa vie après chaque divorce, après chaque deuil. En changeant de continent, parfois, elle quitte le Liban, croyant trouver le bonheur en France avec l'écriture, parce que pour elle, le bonheur, c'est écrire et en même temps être heureuse par l'amour. En France, elle est heureuse pendant 7 ans, puis le jeune mari meurt. Après, elle change de continent, elle va en Amérique latine, au Mexique. Un homme bon, courtois, gentil, qui devient le père de sa fille, qui n'arrivait pas à oublier son père. Et lui meurt aussi. Elle parle beaucoup de ce vieil homme qui était la bonté même, qui a donné à sa fille l'impression d'être son enfant et qui gardait les chattes de cette femme qui voyage beaucoup. qui à cause de ses livres, parce qu'elle, pour elle, le premier amour, c'est l'écriture. Il y avait toujours. Et puis quand il meurt, cet homme, et qu'elle se retrouve seule, même les chattes meurent après cet homme. Elle l'aimait tellement qu'elles étaient affligées, les chattes. Elle était dans la rage, dans la colère, de ne pas pouvoir garder toujours, chaque fois, son compagnon. Mais les chattes étaient affligées. Les véritables veuves, c'était les chattes qui pleuraient toutes les nuits. Puis elles meurent, l'une après l'autre. L'une d'un cancer, la deuxième d'un problème de rein. Et elle se dit qu'elle est faite pour vivre avec les mots, c'est les seuls qui la supportent. Non, mais pas seulement les mots et les fantômes, parce que elle ne passe jamais à autre chose. Le souvenir de ses absents envahissent, les souvenirs envahissent sa vie. Ils sont là parce que les morts, on croit qu'ils partent, mais ils restent chez eux. Il y a leur odeur qui colle, comme vous l'avez dit vous-même tout à l'heure, elle colle sur leur matelas, leurs vêtements, sur leurs vêtements, leur sueur est dans leurs vêtements. Les cendres. Il y a leurs objets. Les objets, n'oublie pas les mains qui les ont triturés, qui les ont touchés. Puis cette femme a commencé à écrire ce texte juste après l'incinération de cet homme qui a voulu être incinéré. Elle a assisté, elle était seule, c'était un jour de grande vacances. Il n'y avait personne pour l'accompagner à 8h du matin au crématorium. Et elle revient, elle achète un cajou d'abricots, elle vient faire des confitures. Chaque fois qu'elle va mal, elle fait des confitures ou elle écrit. C'est les deux seules choses qui la consolent. Une consolation très éphémère qui ne dure pas longtemps. Les confitures qui bouillent dans la bassine, ça lui rappelle l'odeur du cramé, l'odeur de... Ça lui rappelle qu'il y a un homme qui est en train de cramer il y a quelques heures. Ces poussières sont alignées dans le jardin du souvenir, parallèle aux cendres d'autres morts. Donc tout lui rappelle cet homme. Pourtant, cet homme n'était pas celui qu'il avait aimé. Il avait aimé surtout le père de son enfant. Et elle confond parfois les deux, le jeune mort, le vieux mort. Mais il y a l'enfant qui a fait substituer son père par l'autre. L'enfant a considéré que c'est son père qui lui a envoyé le vieux monsieur pour l'aimer. C'est elle qui a apporté cet homme dans sa vie. Elle n'en voulait pas. Elle lui a dit, c'est papa qui nous l'envoie. Et quand elle dit papa qui nous l'envoie, c'est une parole d'évangile. Elle ne pouvait pas désobéir. Une question. Les mots que tu écris en ce moment correspondent-ils au sens de ce que tu ressentais à l'époque? Comment le savoir alors que tu n'arrives pas à analyser tes sentiments les plus récents? Et ta panique lorsque tu t'es retrouvé le soir qui suivit l'incinération, seul à la table de ta cuisine, seul malgré la présence des deux chattes qui reniflaient le matelas à la recherche du mort devenu un tas de poussière? Le pain que tu peinais à avaler avait un goût de cendre. La ligne horizontale tracée par le contenu de l'urne entre un eucalyptus et un sapin avait déménagé dans la soupe, parallèle à celle d'autres incinérés. Cette ligne t'a suivi de rue en rue. Ménilmontant, Roquette, Bastille, Saint-Antoine, Rivoli, Concorde, Président Wilson, où mourut ton mari, puis Iéna, Trocadéro, Henri Martin, Raphaël... Rejeter ta demande de récupérer tes cendres pour les enterrer dans ton jardin à côté des chats qu'il n'a pas connus. C'est un extrait hein, de La femme qui ne savait pas garder les hommes, votre dernier roman, Vénus Curi Gatta. Comment, à partir d'expériences douloureuses de votre vie intime, comment parler du destin d'une manière universelle? Comment transformer ça en expérience littéraire? C'est en train de retourner le couteau dans la plaie. Je n'écrivais pas un roman. J'avais honte de dire que j'écrivais un roman. C'est une amie psychanalyste qui m'a dit « Écris tout ce qui te fait mal sur un papier, tu vas partager avec la page. » C'est Elisabeth Roudinesco. Je me suis mis ce que vous venez de lire, ce texte-là, cette page-là que vous venez de lire. On dirait qu'il y a une main qui vous a guidé. C'est juste la première page que j'ai écrite pour exorciser. Et puis les pages se sont enchaînées. Je me suis rappelé les douleurs et les pertes depuis l'âge de 12 ans, tout ce qui m'a... À quel moment vous êtes redevenu écrivain? À quel moment vous avez repris ces textes pour les travailler, Vénus Curi Gatta? Je ne les ai jamais travaillés. Et quand on m'a donné les épreuves pour les corriger, j'ai dit je ne veux pas parce que je vais tout jeter, parce que j'avais l'impression de transformer des hommes magnifiques, un mari jeune, morte jeune, et un vieux compagnon en papier que j'ai que j'ai profité de leur mort pour écrire. Donc, je n'osais même pas toucher ce papier. J'ai donné, c'est un texte qui a été écrit en 3 semaines avec, dans une rage, une colère incroyable contre Dieu, comme je le dis quelque part, qui s'acharne à balayer tout ce qui entoure ma vie avec la rage d'un balayeur de rue qui ramasse la poubelle. Une rage, une colère, mais moi, je rajouterais une certaine classe dans la façon que vous avez d'écrire, de décrire ces sentiments. Je me suis dit, c'est impudique de raconter tout ça. Les mesquineries, les petits travers de ce vieil homme qui a été gentil et courtois, venir les raconter, les bizarreries, mon manque de cœur, tout le temps un livre entre moi et les autres, entre moi et chaque homme, pensant qu'ils sont éternels. Je croyais que je méritais vraiment le titre d'ingrate, que j'aurais mérité des gifles. Et voilà, mais non, mais non, vous que avez... vous me déculpabilisez. D'ailleurs, elle prend à partie les chats pour leur raconter qu'elle a été une femme formidable, qu'elle leur a lavé leur chemise, repassé leur chemise, qu'elle leur a donné à manger 3 fois par jour, qu'elle a fait tout ça pour se déculpabiliser. Eh bien, vous, après les chattes, vous êtes en train de me déculpabiliser. Parce que vous avez écrit une tragédie dans le pur style des tragédies grecques, même si le décor est le décor de votre vie à Paris, mais aussi ailleurs, puisqu'on voyage à travers vos souvenirs et vos hommes, Vénus Rolli Gata, merci d'être venu. Je rappelle juste que c'est le Mercure de France qui publie vos romans, dont le dernier, La femme qui ne savait pas garder les hommes. Merci, à bientôt. Merci à vous. C'était Un autre jour est possible, que vous pouvez bien sûr retrouver sur franceculture.fr ou en passant par iTunes directement. Demain, je vous retrouve pour le dernier épisode de notre série consacrée à la culture pop n'existe pas en Chine. Et en deuxième partie, ça sera bien sûr l'actualité de la bande dessinée. Je serai avec Riyad Satouf pour la sortie de L'Arabe du futur, le tome 2, enfin, en librairie. À demain, bonne journée.